Vous allez vous installer le plus confortablement possible pour que vous puissiez accéder justement à un niveau qui vous permette de laisser votre corps choisir ce qu'il a envie de faire et de découvrir dans cette expérience hypnotique. Et puis, lorsque vous en aurez envie, vous pourrez laisser vos paupières se fermer pour commencer ce travail important qui va vous permettre de découvrir que votre corps, que votre esprit peuvent faire également autrement que du stress, de l'angoisse et de l'anxiété. Alors, dans un premier temps, simplement prenez le temps justement de prendre conscience de votre corps assis dans ce fauteuil. Sentir votre dos appuyé sur le fauteuil, vos pieds sur la moquette, vos bras posés sur vos cuisses. Prenez simplement le temps de faire une petite visite de votre corps. Un peu comme quand on rend visite à un ami ou une amie. J'aimerais que vous portiez ce regard un petit peu bienveillant sur votre corps. L'écoute bienveillante de ce qui se passe en vous. Voilà, et vous pouvez déjà sentir comment votre respiration s'est ralentie spontanément. Je pense que c'est par sa voix, la voix, et puis par ses mots qui apaisent. Très bien. La façon de nous de dire. Parfait. Vous fermez doucement vos yeux, vous explorez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous vérifiez que tout est bien détendu. Prenez votre temps.